on est posé toujours ici dans le coin. Il y avait un bandit noir sur le terrain. Il était grand, il était petit, il était dur, il était fort. C'est Mario Kart, conduit dans la voiture. La petite Camos, elle est écrasée toujours. Par terre, écrasée comme un escargot. Hey. Ouais, comme je t'ai dit, j'étais un bandit noir. Il y avait toujours moi qui était là, toujours. On travaille toujours, on gagnait toujours le pognon. Pognon. Ouais. MTL fait un freestyle numéro 1 pour te dire, moi j'étais toujours là dans le terrain. Moi je gagnais toujours de l'argent quand je travaillais tous les matins. Levé à 6h du matin quand je gagnais toujours. Mes parents étaient fiers de moi. Moi je travaillais tous les jours. J'étais à l'école, je faisais trembler plein de bêtises. Quand je travaillais toujours, c'était dur, c'était compliqué. Ma vie elle est toujours dure. Moi je travaille tous les jours. Tous les jours, du matin au après-midi, je charbonne tous les jours. Ouais, hey, hey, MTL. Je suis sauvage quand je travaille. Trop dur, trop fier. Trop faire de choses quand je travaille. Gagner dur c'est de l'oseille. Le temps c'est de l'argent. J'ai de l'argent dans mon coffre. Dans mon coffre. Coffre fort. Je suis toujours là, on est gagné toujours. Du temps, de l'argent, c'est moi qui paye. Joueur, mes potes, tout ça. Ouais, c'est MTL. Ouais. Alors, Metanoia vient en direct dans 8 minutes. On est en plein essai de. Ah! Oui, oui, oui. Mais on a pas le mini... c'est lui qui a le mini jack, donc il faut... tu veux quoi comme musique? Attends, il y a un écho. Ah, c'est bon. Ah! Un morceau de. De quoi? Dis-moi. Rap Broly. Rap Brûlé. Cyan Rap Broly, Broly, Broly. BR. B-R-O-L-I. L-I. Cyan. Voilà. Rap Broly. Attends. Rap Broly. Non, attention. Rap Broly. Bah ouais, j'ai tapé X. Mais c'est ça. Remets les. Ouais, c'est pas, c'est mon portable, frérot. On dirait que je vais le voler ton téléphone. Allô, et. On est prêt, Jason, tu es prêt pour le programme du jour? Tu veux me montrer quoi? Tu veux montrer un peu de musique là? Quoi? Ouais, c'est cool. Vas-y, vas-y. Et Je dois prendre mon téléphone. On dirait que je vais voler ton téléphone. Vous êtes prêts? Chacun a sa chronique? Moi j'ai un. Fanata, tu vas parler de quoi aujourd'hui? Bah attends, t'as un iPhone, moi aussi j'ai un. Tu veux parler de quoi aujourd'hui? Rien. Rien? Bah si, parle un peu, c'est 9h24. C'était bien ce que tu as dit l'autre fois, quand on a parlé des voix, de ça, c'était super. On peut parler ici des choses. En fait, en plus, les gens qui nous entendent aussi, des fois, ils ont les mêmes soucis ou des trucs et ils ont personne d'autre qui parle de ça, tu vois. Donc, c'est pas. Mignette Tino, il cherche toujours sur Internet au moins une dizaine de mots sur les chercheurs. Tu as essayé déjà l'intelligence artificielle, Mignette? Ouais. Et alors? Qui peut me mettre une instru? Celui qui va mettre une instru. Sinon, Fofanata, il peut faire un live. On te fait un truc en live, vas-y. Non. Moi, je te mettrai un instru, sinon. Tu veux quoi comme musique? Je mets Leto X, Guy de Buzz. Ah, tu veux un truc exact? Ouais. Ah non. Moi, je fais des trucs impro. Mais lui, c'est Ignaltino qui va chercher la. Le problème, Ignaltino, il cherche toujours. C'est moi, j'ai l'autre fois, il a mis 120 mots pour chercher un. Chercher un mot en musique. Voilà. C'est ça? Lesquels? Les premiers, les deuxièmes? Voilà. Faut passer. Il faut que tu récupères le mini jack, il a les téléphones de. Voilà, on est à 6 minutes de direct. On est presque prêt. On peut faire une annonce? Une seconde. Il marche pas mon micro, je crois. C'est le 4. C'est numéro 4, ouais. J'entends bien. On peut faire une annonce? Sinon, tu prends le casque, lui. Faut juste mettre tout refusé ou tout accepté. Non, pas aller là. Là, tout refusé. tout refuser ou tout accepter. Après, t'appuies là, et c'est bon. La prochaine fois, Final Tune, on va te faire un post internet, un truc que tu fasses le DJ, en fait. Ça te va ? Voilà, rap de Broly. Il faut que tu récupères le mini jack là, sinon. C'est lui qui avait sur le téléphone l'autre. C'est un petit câble là qui tu suis celui-là, ouais. Ouais. Attends, on lève déjà le truc, bordel. Là. Oh. Balance. Nació en su mismo planeta, el que buscó día a día. Era el planeta Vegeta, sé que alguien lo destruiría. Y yo sabía que con el poder me salvaría. Y por supuesto que ahora estallará toda mi rebeldía. Y digo e investigo, no sé lo que quieren ni que son amigos. Ni el amor a una persona, solo persigo a mi enemigo. Y digo consigo, prosigo y sigo castigo en castigo. Para acercarme mucho más a mi objetivo y matarlo. Que se arrepienta sin castigarlo. Pero he perdido al mundo y humanos ayudarlo. Yo nací al lado suyo el mismo día. El día no vería la alegría, solo tengo una diadema que relaja mis manías. El odio incontrolable que todo lo destruiría. Pueden hacer efecto usando un mando a distancia, pero ya en Super Saiyan nada me controlaría. Si ves un grupo de Saiyan, no lo pienses, mátalos. Para mí esto es un grupo de escoria, así que apártalos. Y vine especialmente por algo que tengo en mente. Desde que estaba en la cuna te mataré, Kakaro. Ya no hay nada. Nacimos al lado y me traumaste con muchos sonidos. Un niño llorando y nunca me dejó dormir. Ahora mi trastorno mental lo pagas con tus amigos. Me hiciste odiar a muerte a todo aquel que llora. Escucha a tu hijo y me recuerdo todas esas horas de agonía y pura rabia que siempre me habías causado. Y ahora estamos en la tierra y tenemos un mano a mano pendiente. Esto no es una batalla normal y corriente. Ahora vas a saber todo lo que se siente. Con la impotencia de querer y no poder hacer nada, lo único que podrás será apretar los dientes. El rey Vegeta ordenó que de niño me mataran por miedo a que mi poder aún más se multiplicara y alcanzaba los 10.000. Tan solo estando en la cura prefirió mi ejecución porque nunca les matara. En un futuro te aseguro que te puedo patear el culo con mi fuerza incontrolable que puede derribar muros. Con el blaster verde será tu sufrimiento muy duro. No me arrepiento de nada, pero es que mi cara se aviva cuando te torturo. Uy. Ya no hay nada que me pueda parar. Si te he visto ya, Kakaro reza. Porque tus segundos empiezan a acabar mal. Soy el Super Saiyan, legendario y no hay más. Saiyan como yo, soy la destrucción. Mi furia ha estallado y nada me puede parar. On est à une minute de direct. Je peux faire une annonce pour ma peinture. Ouais, tu vas, Jason va présenter l'émission. Tu vas dire Metanoia, machin, et puis après, tu donnes la parole à Jafari. D'accord. Jason, tu présentes la radio, et après, tu vas donner la parole à Jafari. D'accord. Et après, on fait la musique pour Fanata. Et après, il va aller freestyle, lui. Comment il s'appelle, lui, déjà ? Aujourd'hui, je m'appelle Banane, voilà. Je rigole. Non, mais choisis un nom, mec. Didi, voilà. Didi va aller en freestyle, ok. Vas-y. Donc, 1, 2, 3, 4. Ok, on est prêt. En 30 secondes, on est prêt. Et après, c'est toi, ils sont 5. Enfin, c'est lui présente, Jafari 2, Fofanata 3, lui 4, et après c'est toi. Ok. Tu peux. On peut commencer là. Jason, tu as l'horloge là. On est presque prêt. Ta-ta-da, ta-ta-ta-ta, bonjour. Voilà, voilà. Oh oh, j'ai coupé. Jason va présenter en ce moment notre émission Metanoia. On est en direct. Bienvenue sur Radio Metanoia. Le live commence. On a quoi comme programme aujourd'hui, Jason ? On a Igual. Igual ? Igual ? Qui a fait plus proche du micro parce qu'il a fait une musique sniper Panama Star. Ouais. Ensuite, Fatoumata avec le xylophone. Ouais. Moi avec la chronique des sports. Ouais. Et Loïc, les armes et les âmes. Voilà, on a un programme assez chargé pour 2024. Ça commence. Ah, et MTN a fait du rap. Qui va faire du rap ? MTN, celui qui est parti. MTN. Et Igual, après, viens ici parce qu'on commence là. Igual, sniper, pas la master. Et Igual aussi, il va faire sa chronique du système solaire. Tu vas faire ta chronique du système solaire, hein, Igual. Hein. Ah ouais, il faut que tu parles de ça. Alors, on a une annonce à annoncer parce qu'on a un peintre parmi nous. Bienvenue. Tu peux présenter comment tu t'appelles déjà ? Oui, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, je m'appelle Monsieur Jafari Adli. Et je fais de la peinture. Je suis peintre amateur. Je fais de la peinture depuis 20 ans maintenant. Et comment vous dire, si vous êtes intéressé par la peinture, si vous aimez la peinture, vous pouvez aller sur Art Majeur et vous tapez mon nom directement, Monsieur Jafari Adli, et vous verrez qu'ils vous seront proposés des tableaux à vendre, voilà, des reproductions. C'est quoi voilà. Tu peux répéter l'adresse internet, comme ça on peut noter. L'adresse internet, c'est Art Majeur, ArtMajeur. Et mon nom, c'est Jaafari, et le prénom Adli, avec Y, A-D-L-Y. Attends, Jafari, c'est J-A-F-A-R-I. Non. Jafari, c'est J-A-A-F-A-R-I, ouais. Et Adli, c'est avec un Y, A-D-L-Y. A-D-L-Y, c'est ça ? Voilà, et vous pouvez me retrouver sur Art Majeur. J'ai des œuvres que j'ai faites... pour prendre justement pour les gens qui seraient intéressés, qui aiment la peinture. Moi j'aime bien peindre, je viens régulièrement aussi. Enfin, quand j'ai du temps, je veux dire. Je viens peindre ici, c'est tous les lundis, de 16h à 18h. Ouais. Voilà, puis je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Ouais, et puis Jafari, là, c'est un peintre incroyable. On a des tableaux ici, à OCMP, partout. On a même fait une colloque à l'université Paris Cité l'année dernière. On a choisi un tableau de Jafari, justement, qui a illustré tous les colloques. Tout le monde disait, mais c'est qui ce peintre ? Et en fait, c'est là, il est personne là. Vous pouvez l'acheter sur Art Majeur, Jafari Adli. Et puis sinon, venez nous voir à la radio. On va bientôt organiser une expo de vous, là. Ouais, je sais qu'il y a une expo Je sais que cette année, il va y avoir beaucoup d'expositions. Voilà. Ouais, non, mais cette année, c'est clair. On va faire déjà une expo à la ferme à Neuilly-sur-Marne, une autre à Bondy, et puis bientôt à Paris. Hein. Mais vous peignez quel lundi, non ? Vous peignez tout le temps ? Enfin, vous peignez... Moi, je peins. Là, récemment, j'étais au Maroc. J'ai peint là-bas, j'ai fait au moins 20 œuvres. Ouais. J'ai peint entre mars et le mois de mai. J'ai peint chez moi. Autrement, je préfère peindre à la maison, je veux dire. Mais j'ai l'atelier, parce que l'atelier, quand je viens, ça permet d'apprendre aussi. Ouais. Parce qu'on apprend à force de peindre. À force de s'exercer, on apprend. Oui, oui. Et donc, vous avez fait quoi au Maroc ? Un peu le même style, les maisons comme ça ? Moi, j'ai fait les mêmes styles de maison. L'architecture d'ici, je veux dire, l'architecture européenne. Ouais. C'est ça mon style, moi. C'est de peindre peindre des maisons d'ici, l'environnement d'ici. Des fois, je mets un visage avec un paysage. Mm. voilà, d'essayer de me concentrer pour faire ressortir ce que. Pour faire ressortir quelque chose de la peinture, je veux dire. Parce que c'est pas évident. C'est pas évident, la peinture. Et vous faites, enfin, c'est-à-dire que vous avez quelque chose en tête et vous le faites sortir avec les couleurs. Comment vous... Voilà, exactement. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, je prenais un crayon noir, je faisais le dessin d'abord, et après, je mettais les couleurs. Mais là, ce que je fais, c'est que je peins directement au pinceau, sans le crayon noir, je veux dire. Ouais. C'est ça, ma technique. Ouais. Et je ne fais pas que de la gouache, parce que moi, je suis peintre, j'utilise comme matériel la gouache. Mais des fois, je fais des encres, comment ça s'appelle ? De la pastel sèche. Ouais. Pastel sèche, pastel huilé. Mais je n'ai jamais encore fait d'œuvre avec de la peinture à l'huile ou de l'acrylique. Ouais. Le produit que j'utilise, c'est la gouache. Et puis du pastel aussi avec de stick, non, de crayon ou juste de pastel, comment vous faites? La pastel, non. La pastel, oui, la pastel. Parce qu'il y a deux sortes de pastel. Ouais. Il y a celle qui est sèche, qu'on peut bomber après. Il y a celle qui est huilée. Ouais. Et ça m'est arrivé de faire ici, à l'atelier ici, de la pastel, je veux dire. Avec la personne qui s'occupe de nous... C'est Madame Stossel, c'est la personne qui s'occupe de nous, qui fait l'atelier le lundi soir, de 16h à 18h. Bon, super. Donc alors, tout le monde peut aller chercher sur le site Art Majeur, c'est pas si .com ou .org. Non, c'est juste Art Majeur. Art Majeur et le nom Jafari Adli, J-A-A-F-A-R-I A-D-L-Y, voilà. Voilà, je vous remercie à tous et puis je vous souhaite de bonnes continuations à l'écoute de notre radio. Merci d'être là et puis bienvenue à la radio. S'il te plaît, Inaltinio, on va arriver. Alors, on va continuer l'émission. Merci beaucoup, au revoir. L'émission, merci Jafari, on va continuer l'après. Jason, c'est qui vient après tu peux présenter Jason? Qui vient maintenant? J'ai un peu de musique, je crois. Prends le micro, tu te présentes. Fofana Fatoumata. Voilà, Fofana Matoufata qui, là, tous les mercredis, à nous faire de la musique en direct. Elle va nous faire un rideau musical 2024. On t'écoute. Oui, merci Fafuna Mutavada, bravo, merci beaucoup. On continue. Jason, c'est qui que... On parle un à la fois, sinon on n'entend rien. Jason, tu peux continuer à présenter, c'est qui vient maintenant? Toi, voilà, on t'écoute. C'est toi, prends le micro. Ta chronique de sport de Jason qui est de retour. Il est parti voir des sports dans tout le système solaire et maintenant il revient sur Terre pour nous raconter qu'est-ce qui se passe dans le sport. Oh, tu veux chercher un peu avant ou c'est bon? Ah, je m'étais juste pour savoir où était le stade. Vas-y Jason, t'écoute. J'étais au stade Mestalla à Valence et ça a démarré fort par ouverture du score à par Yaremchuk à la 4ème minute. 23 minutes plus tard, deuxième but de Valence par Pépé Lou, 2-0 à la mi-temps. Penalty à la 57ème minute pour Valence, 3-0. Et un but d'honneur par Gérard Moreno pour Villarreal à la 73ème minute. Score final 3-1 pour Valence. Au stade de Valence. Tu es prêt, Jason? Oui. Attends. Tu veux qu'on mette un peu si de c'était au stade Luis Campanis entre Barcelone et Almeria. But de Rafinha à la 33e minute. Égalisation par Almeria, surprise par que Ronald Aro a gêné le gardien. Égalisation par Batistao à la 41e minute. Et reprend l'avantage grâce à leur capitaine Sergio Roberto après une longue absence à la 60e minute. Égalisation par Edgar Gonzalez pour Almeria. Et un doublé de Sergio Roberto qui permet à Barcelone de gagner le match. Score final 3-2. Oui. J'ai pas fini. Tout à l'heure, il y a le Real qui joue contre Mallorca. Et Atlético qui joue contre Girona. À 21h30. Ouais. Et demain, il faut que Barcelone gagne pour se rapprocher de Girona et du Real. Ça va se passer au stade de la Grande Canarie contre Las Palmas. C'est tout. Et dimanche, 16e de finale pour Barcelone contre... Attends. Union... Union Deportiva Barbastro. Ce dimanche, 16e de finale pour Barcelone. C'est tout. Oui, merci Jason pour ces. Et la Super Coupe d'Espagne à partir de mercredi prochain. Real Madrid-Barcelone et 11 avril et 11 juillet, Barcelone-Osasuna. Tu vas y aller là en Espagne pour couvrir tout ça? La Super Coupe d'Espagne. Oh, je vais aller au Stade Luis Campanis pour voir Barcelone contre. Stade de la Grande Canarie contre Barcelone et Las Palmas demain à 21h30. Cool. Génial, donc tu nous amèneras des reportages et tout ça, et puis surtout tu nous amènes un peu de son quoi. On va te donner un magnétophone, comme ça tu peux enregistrer des sons préenregistrés de stade. Et est-ce que tu peux continuer le programme là avec qui vient maintenant? Après prends le micro parce que ça t'écoute. Ouais, tu présentes le prochain Jason avec le micro, tu peux présenter. Vas-y. Bon, on va. Là, il te laisse. Bon, il y a Loïc qui. Je ne sais pas quel projet on va présenter aujourd'hui. Voilà. Il est là. Et je ne sais pas quel projet on va présenter aujourd'hui parce qu'il a beaucoup de projets. On est content de le voir à nouveau ici. Tu peux nous dire qu'est-ce que tu veux. Ouais, c'est mieux ce micro-là. Tu as raison. Ouais. Vas-y. C'est mieux. Ouais. Attends. Du coup, ce projet n'a pas vraiment de nom. En fait, tous mes projets n'ont pas de nom finalement. C'est juste un assemblage de toutes les instrus que j'ai. Ouais. Et là, on va voir ce qu'on va faire. Je vais mettre une instru que j'ai déjà composée dessus, mais ouais. Je vais la mettre en nature. Tu as une connexion, tu as un mini jack là pour sortir ou pas? Oui, tu peux. Tiens, tu peux sortir avec ça. Et on va montrer. La nouvelle musique, parce que tu n'as fait combien de morceaux, tu m'as dit j'ai fait... Attends, prends le micro, on ne t'entend pas. J'ai fait 79 sons en moins d'un mois. Waouh, voilà. plus deux morceaux par jour, quoi. Voilà. Ouais, un truc comme ça, ouais. C'est la production, ça. Ça va, hein. Donc, allez, les amis musiciens, mettez-vous. Skeza! Skeza! Skeizo, Seiko, Skeizo, Seiko, Skeizo, Seiko. Dans ma chambre y'a des sigils. Dans ma chambre y'a des sigils. Je veux pas de copines, je veux pas de copines, je veux pas de copines, je veux pas de copines. Dans ma chambre y'a des sigils. Dans ma chambre y'a des sigils. Je veux pas de copine, je veux pas de copine, je veux pas. Non. Je veux pas de copine, non. Je veux pas de copine, je veux pas de copine. Oh, Skeizo! Bloody, bloody, bloody dead, mort, mort, dead. Je suis mort, déjà mort dans le game. J'en ai rien à foutre, cette copine. Je l'ai déjà tué, cette copine. Je l'ai déjà démembré. Je l'ai démembré comme une chienne. J'aimais la voir souffrir. Elle a souffert comme une sale chienne. Je l'ai égorgée. Ah, bloody, bloody, bloody face. Couvert de sang, c'est pas méchant. J'aime goûter au sang. Bloody, bloody face, c'est pas méchant d'être mort. J'suis toujours ça, j'suis toujours ça. Dans la mort, et pour la mort. Donne-moi les armes, donne-moi les âmes. Donne-moi les portes, donne-moi les codes. J'défonce déjà toutes les portes. Pour la suite, pour la suite, pour la suite, pour la suite, pour la suite, pour la suite, pour la Psycho, Skeizo, Seizo, Seizo, Psycho, Seizo, Psycho, Seizo, Psycho, Seizo, Psycho, Seizo, Psycho, Seizo, bloody, bloody, bloody, bloody, bloody, dead, mort, mort, dead. Et super, ouais. Et ça, c'est un de tes 60, 78 morceaux que tu as fait. Ça s'appelle comment? Tu peux pour le micro pour... Il n'y a pas le titre pour les musiques. C'est juste que je balance ça comme ça, incognito. Ouais. On ne peut pas me trouver, personne ne peut me trouver. Et ça passe. C'est principal. Génial. Est-ce que tu peux nous montrer un autre morceau là? Parce que tu es là. Bah, j'adore. Par l'artiste que avant s'appelait Siol et puis a changé plein de muté dans différents des styles. Aujourd'hui, il danse une nouvelle type de musique. Je sais pas comment la définir, quoi. C'est entre le trash, le noise, le death metal, je sais pas quoi. Voilà, c'est à lui. Il est en pleine mutation et il vient me montrer un de ses 78 morceaux. Laissez-moi vous raconter l'histoire. J'ai pris un bébé, je l'ai foutu dans le mixeur. J'en ai jamais. Baby Milkshake. Baby Milkshake. Consistent. Voilà. Oui, wow, wow, wow, wow. Qu'est-ce que tu penses, Inaltinio? On va passer le morceau sous ton 4 étoiles plus moi. Ça fait un peu, je suis un gros. Ouais, ouais, non, mais René, mais attends, je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu as pensé de la musique qu'on vient d'écouter? La musique, c'était vraiment gore et Igor. c'était lourd, mais c'est gore, voilà. Ouais, ouais, c'est un peu une espèce de gore, mais en même temps, transgore. Je sais pas comment l'appeler, c'est un nouveau type de gore. Ça m'a plu, ça m'a plu, ça m'a plu, ça m'a plu. Super. Les autres, qu'est-ce que vous pensez, là? Est-ce que vous avez... Qu'est-ce que vous avez senti? Vous avez ressenti quelque chose? Moi, j'ai bien aimé. Hein. Ténébreux. Il y a un côté ténébreux, mais en même temps, qui dépasse, je sais pas, j'aime bien. Continue comme ça. J'aime bien quand tes transformations, là, tu vois. Il y a 2 mois, c'était la grange. Il y a 3 mois, c'était la techno. Il y a 6 mois, c'était l'acide. Il y a 8 mois, c'est de la pop. Ouais, non, non, non, mais c'est des transformations. Ah. Bah, ça, il faut le faire. Hein. Bravo. Bravo, bravo, bravo, bravo. Ouais. Alors, Jason. Merci Martin, merci tout le monde. Merci à toi, et puis j'espère qu'on va bientôt écouter ta musique là sur un disque. j'ai montré tout à l'heure à Siol, Sister Violine, mon ami Eric qui écoute là à la radio, et il a beaucoup aimé. Hein. Donc voilà, je pense que vous avez des choses en commun, les amis. Merci beaucoup. Jason, tu voulais faire quoi? Tu voulais mettre quoi? C'est qui les programmes? Alors, on a notre freestyle. Mais il manque le mini-jack. Amène le mini-jack là. Mini-jack. Ah non, c'est ouais, voilà, attends. Ouais, je vais. Attends, tu peux présenter ta musique, Inaltinio? Ouais, je voulais passer Sultan Fidrof. 4 étoiles plus ou moins, ça fait 1. Si vous pouvez le passer directement, je sais. J'ai chanté un peu dessus, vite fait. On va voir. Tu peux essayer. Sultan Rof, 4 étoiles plus ou moins, ça fait 1. T'inquiète, wesh. Numéro 2. 1-2-1-2. 1-2-1-2, v'là la volaille, perquise, bélier, tonnage, je suis soupçonné pour trafic international. Aïe. J'avais rendez-vous avec Madame Cocaïne, une femme clean, tu vas pas me croire, elle est venue en limousine. Aïe. Je voulais rentrer à la cité, mon père m'a dit, là. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis, là. Alors dans une semaine, je rentre à Bondy, là. J'irai finir mes jours là-bas, Croissant de lune, comme le Brésil. Sultan, Rof, dans tes yeux. Sultan, R.O.H.Z. On me conçut comme un docteur, pourtant je suis pas agré. Je suis validé par la foulée, quand pire tu pagrais. Souvent on tombe, la solution c'est pas d'être plâtré. C'est quand ça tombe par oncle, l'État veut nous encadrer. Mon rap a toutes ces raisons qui vont causer du tort. Quand je rap c'est trop profond, un peu comme ça je gore. L'État fait mon compte, aucune misto ne fera mes poches. J'suis déjà trop loin et c'est pour ça que j'ai très peu d'amis proches. Je suis parti des casse-couilles, évité par les travelots. J'essaye de mettre le paquet, j'évite de faire des cadeaux. Stylo. C'est moi la haine, c'est comme la bouffe, ça nous fait prendre des kilos. C'est pour plus tard te taire, Bagneux c'est la city. Je reprends des plagies jusqu'à la statue de Vitry. En calcul je me suis trompé, j'ai peu de gens sûrs qui comptaient. Y'a que dans les films que j'aime les chutes, donc je peux pas laisser tomber. Sur mon front c'est mon bled. Le monde sera à toi, encore à couper ma tête. 4 étoiles plus moi, ça fait 5, t'inquiète. Toi et moi, t'es pas loin depuis que t'es RIP. Seuls les vrais peuvent m'approcher, c'est le temps va raccrocher. On a pété une case et la street l'a accroché. MC, je vais te coucher, ton cas c'est pour me torcher. J'ai pété une case et la street l'a accroché. 9-2-9-4, c'est la N20 qui nous sépare. Ça règle des comptes et c'est pas la banque qui nous sépare. Même si j'ai trop d'inspi, donc je ne sais plus quoi penser. L'amour a mis des mines, je sais plus sur quel pied danser. L'avenir à mon nom, ouais je me suis levé tôt. A force d'être ancien, je vais finir chez le veto. Ça écrit des punchlunes, c'est les comores là. Les meilleurs portent pas les premiers, regarde, je suis encore là. Plus Picasso que Picassiette, le Peura c'est mon art. Mon sperme mon kiss te gèle pour ta crête, connard. Genre la monnaie au ce-pied, ouais c'est mes mangeurs de repied. T'es pas de moi pointure, viens pas nager, t'as papier. Détourné du chemin droit, j'ai demain gauche, je suis vénère. Y'a que ma bouteille d'eau qui me soutient dans ma de mer. J'ai son qui tue comme le patrie du rap game. Ici c'est le sultan, fais le savoir si mon tempo descend, c'est mon lait. Je veux que ça m'envoie quand t'auras coupé ma tête. Qu'elle soit plus moi, ça fait 5 ans qu'il y a. Moi, il n'est pas loin de l'écran. Seul les peuples m'ont approché, on va accrocher. On a pété une case et la street l'a approché. MC, je vais accrocher, on va casser pour le loger. J'ai pété une case et la street l'a accroché. Gauche te surine, ma droite te supprime. Hétérotextuel, les autres s'enfilent. Mes flots sont contagieux, les rappeurs se les refilent. J'éteins les étoiles, allume les altérophiles. J'tire pas à blanc comme Bruce Lee, t'es mort dans le film. T'es sur mon front, c'est mon bled. Le monde sera à toi quand t'auras coupé ma tête. 4 étoiles plus moi, ça fait 5, t'inquiète. Toi, il n'est pas loin de VITRY. Seuls les vrais peuvent m'approcher. Sultan va ricocher. J'ai pété une case et la street m'a coché. Si je vais j'ai pété une case et la street l'a coché. Oui, c'était Ignatinho. Ignatinho, il est parti où là? Parce qu'il est, il, normalement, il doit faire sa colonne du système solaire. Et ouais, mais je, comment, ouais, mais sinon tu mets un micro sur ton téléphone, ça va passer. Tu mets un micro, un autre micro. Et voilà, Ignatinho qui vient, qui nous a mis un morceau de rap. Et après, il va venir nous parler du système solaire. Ignatinho, viens. Mais parle un peu de nos systèmes solaires, là. C'est ta colonne à toi. Oui, ouais, mais raconte-nous un peu de nouvelles. Ouais, le système solaire, on a découvert encore 12 planètes. En dehors des 12 autres. Mais c'est 12 planètes féminines. Je ne m'en souviens plus des noms. Je vous en parlerai plus tard. Je vous donnerai les noms plus tard. C'est 12 planètes féminines. Et 12 planètes masculines du système solaire, et ils sont unis en un seul, maintenant ils sont unis en un seul, et dans la galaxie il y a les cieux et le ciel chaud qui sont unis aussi. Maintenant il manque plus que la galaxie et les galactiques pour être unis, c'est ce que je veux dire. Voilà, merci Natino. C'était la colonne système solaire, donc tu dis il y a 12 planètes féminines qui ont trouvé, et 12 masculins, mais dans les systèmes solaires ou... et donc tu n'as, et 12 planètes de plus, et comme il y avait 12 planètes masculines, on a découvert 12 planètes féminines. Ouais, bah on sait pas d'où elles viennent, mais on sait qu'elles sont féminines et que on sait pas. Moi, j'ai découvert sur internet, donc j'ai vu, j'avais les cartes des planètes masculines et des planètes féminines. Maintenant, je les ai déchirées. Après, j'ai jamais essayé. Après, voilà, donc, Vas-y, tu peux parler au micro. Attends, Inatino, merci. Tu peux poser des questions, là, vas-y. Non, bon. Ça marche? Si, ça marche, si, il va répondre. Allô? Oui, ouais. Ça marche. Ok. Ils viennent d'où ces planètes, alors, Latino? On ne sait pas d'où elles viennent, mais je les avais en carte. Je les avais en carte, les 12 planètes féminines et les 12 planètes masculines. Et j'ai déchiré, mais depuis... En carte, ouais. D'accord. Et voilà, donc maintenant, je ne sais pas. Oui, donc, et il y avait trois autres étoiles, une étoile à distance de 250 000 années-lumière du système solaire, qui s'appelait Vega. Vega, des autres, je ne m'en souviens pas non plus, mais c'est des découvertes que j'ai fait, et voilà quoi. Oui, mais Vega, l'étoile Vega, je connais, hein, c'est l'étoile de la constellation du Cochet, je crois. Ah, je sais pas. Donc tu vas au-delà du système solaire aussi, tu vas visiter... Au-delà du système solaire aussi, ouais. La galaxie, les étoiles, la Voie Lactée, quoi encore voilà, ouais, il y a tout ça. Quoi. Les constellations. Les constellations, tout ça, voilà. Est-ce que tu visites des trous noirs aussi, des choses comme ça? Les trous noirs, j'évite parce que... Il faut mieux éviter. C'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux. Ça peut avaler une planète, ça peut avaler... Tout. Non, ça peut avaler n'importe quoi, quoi. Donc j'évite. T'en ressors pas, en général. Mais je vais dans l'espace quand même aussi, un peu de temps en temps. Dans l'espace, de temps en temps quand même. Hein. Tu trouves? Et comment tu fais pour esquiver le... T'es déjà allé dans l'espace? Ouais, dans l'espace, ouais. T'es déjà allé? C'est d'ailleurs, cool, regarde, les gens de ta couleur vivent dans l'espace. Ça ouf, lui. Ouais, c'est vrai. C'est la vérité. Et les gens, ils viennent de l'espace et leur soleil est noir. Et t'as déjà rencontré des petits bonhommes verts? Non, les petits bonhommes verts, non, jamais. C'était comment les bonhommes là-bas? Bah, c'était trop loin, comme tout le monde. C'était trop loin, comme tout le monde. Eh, Latino, t'as déjà vu des genoux? Des genoux? Non, jamais. Et ils sont quelles couleurs? Ils sont différentes couleurs, j'imagine, les gens, par rapport à leur planète. Par exemple, il y a des métis, il y a des caramels, il y a des jaunâtres, il y a des noirs, il y a un peu de tout, quoi. Il y a des blancs, il y a un peu de tout. Ouais. Et c'est quoi tes préférés? Ah, mes préférés, j'aime tous. Il y a pas de préférence, hein. J'aime tous. Ils sont tous humains. Ils sont tous sympas ou il y a des méchants? Il y a des méchants comme des gentils. Il y a beaucoup plus de méchants là-bas, non? Non. Si. Il y a des bons, il y a des mauvais, partout. C'est pareil. Il y a beaucoup plus de méchants là-bas. Non. Pas sûr, la Terre, il y a quand même plein de méchants là. Tu as vu les guerres. Les méchants là-bas, ils sont plus dangereux, je crois. Mais ouais, non, mais Ignatinho, merci pour ta colonne du système solaire. Ignatinho, il voyage tous les jours dans le système solaire. L'autre jour, il nous racontait qu'il sa méthode, quoi. Il prend une douche froide, une douche chaude, et avec ça, avec son jumeau, que nous, on le voit pas, mais lui, il est là tout le temps à côté de lui. Son jumeau l'amène dans toutes les planètes. Et là, on a découvert 12 planètes féminines, 12 planètes masculines. Qui n'a pas encore le nom, mais c'est voilà. Donc, on a la chance d'avoir cette info qui même pas la NASA peut l'avoir, quoi. Vas-y. Donc maintenant, on a Didi qui va nous. Vas-y, présente Didi. Ce que tu vas faire là. Je vais faire un petit son là, vite fait là. Un petit son, petit freestyle. Un freestyle de voilà, freestyle. Vas-y, je vais mettre l'instant. Didi qui a des lunettes, absolument une look magnifique là. Ouais. Cette année, faut que je pète la riche armée. Faire du bénéf en compte en mille. J'ai bec tes modes voyoucratie. Mon dans la chop m'a calé si. J'ai pas bédavé sans souci. Moi, je voulais juste ma riche armée. Moi, je voulais juste ma riche armée. J'ai mis les habits Balenciaga. Veski mes tantines qui veulent la mala. Mentale de Habib Chipolata. Elle met du vernis à Malaga. J'irai les petites, ça c'est mon dada. L'argent de la tontine, gel, le brassard, la go, kiff ma chipolata. Cette année, faut que je mette la riche armée. Faire du bénéf en cantonné. J'ai vu que tes modes voyoucratie. Mon dans la choc m'a calé si. J'ai pas bédavé sans souci. Moi, je voulais juste ma riche armée. Moi, je voulais juste ma riche armée. Tête de la tismée, un goût de vanille. Soirée dans Tipeee, ça devient torride. Racine de color, va te faire niquer. J'te rôde un grave les soniquer. Moi, je voulais juste ma riche armée. Moi, je voulais juste m'arrêter charmer. C'est bon, c'est carré. Oui, merci beaucoup, Didier. Génial, bravo. Cool. Il y a la création ici partout. Et Fofanata, tu peux continuer un peu de musique, un rideau musical. Je vais les tuer. merci Fatoumata. Fatoumata, voilà. Et puis que tu veux mettre un autre morceau, Siol ? Parce que là, on est, y a, tout le monde a disparu, je ne sais pas où ils sont partis. Voilà, c'est ça comme ça, Metanoia. Il apparaît, il disparaît, il part dans le système solaire, il revient sur Terre. Il n'y a aucun type de contrôle fiscal. Ils sont tous libres de venir et de partir quand ils veulent. Voilà. C'est ce qui fait un peu le côté métanoïaque. Et puis là, on a la chance d'avoir à nouveau l'artiste qui s'appelait Siol avant. Et aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé son nom. Ouais, mais il a plein de projets. Hein. On l'a beaucoup présenté. Sur la radio Schizophonia, vous pouvez écouter lundi prochain là, une petite bio qu'il a fait tous ses morceaux. Et là, tu t'es connecté là, c'est bon ? Vas-y. Voilà, on ne sait pas ce que c'est comme titre, mais ça arrive, c'est sûr. Tommy ? Attends, hop. Serge, mon Serge, où es-tu, Serge ? Je ne sais pas qui je suis, je ne sais même pas si c'est lui ou moi. Comment il s'appelait ça ? Tu peux dire hein ? Ça consentime, je sais pas déjeuner. Attends, mais laisse-moi qu'il va présenter. La musique, c'est juste, je balance des sons comme ça. Mais il y a pas le titre, je titre pas mes musiques. Elles sont invisibles. Du coup, chaque musique en fait est invisible. Il y a pas de titre. Il y a juste ouais. Le nom d'artiste, mais qui n'est pas un nom d'artiste. C'est un code. C'est quoi comme code ? Tu peux. Bonne question. En fait, c'est un mélange de. Je pense, j'ai vraiment l'impression que c'est un mélange de l'ancienne facette de Nero 6 et une nouvelle facette de quelque chose, mais je sais pas vraiment. Je peux pas déterminer ce que c'est comme code, en tout cas. Mais c'est un code. Un code où personne peut me trouver. Il y a que moi qui peux me trouver. Ok. Ça marche. Voilà, encore un autre morceau de l'artiste qui s'appelle Common Code. Qui ont... Bien sûr que tu vas en profiter. trompé parce que j'étais si jolie. Jolie copine, est-ce qu'il rejoint les esprits, les ondes glissent dans ton cœur. Ça n'a plus d'importance pour toi maintenant. Car ta tête est à moitié et tu vas finir par la rejoindre dans quelques instants. Je te le promets. Mais non, finalement, comment je peux croire à ton jeu de chiffres? Peut-être que tu es cinglé. Je sais pas ce que je veux faire. Je sais pas ce que je veux faire. Je vais te tuer, ça c'est sûr. Je vais te tuer, ça c'est sûr. Je te prends, je te prends. Tu vas te prendre, tu vas te prendre. Tu vas te prendre. Waouh, c'était quoi ça? Quoi? Attends, tu peux parler au micro comme ça, on écoute. Ça, il me semble qu'il y avait un titre et je pense que c'était Crise d'âme haine. C'est un mélange entre crise d'amour et de haine. Waouh! Crise d'âme haine. D'âme haine. Génial. Crise d'âme haine. Il y avait un psychanalyste qui s'appelait Lacan qui parlait de la haine-amouration. Ah, intéressant. Haine-amouration. Parce qu'en vrai, l'amour et la haine, c'est très. Ouais. Il y a une limite très fine en fait, entre la haine et l'amour. Ouais, ça se ressemble. T'as un philosophe qui s'appelait Empédocle, bien avant Jésus-Christ, un philosophe poète. Tu sais, il s'est promené en violet avec des sandales en or. Et puis il soignait la ville, tu vois. Dès qu'il y avait une peste dans la ville, il allait soigner les gens. Et donc, comme ça, il avait la clé de la ville, il n'avait pas à travailler, il produisait de la philosophie, des poèmes. Okay. Il disait qu'il y avait deux forces dans la nature, l'amour et la haine, plus les quatre éléments, et que ça gérait tout avec ça, tu vois. L'amour que construisait, qu'il mettait ensemble. Et la haine qui séparait, ouais. Qui limitait, tu vois. Détruisait les choses, en fait. C'est ouais. Un peu déconstruire. Bah, plutôt que de détruire, de séparer. Tu vois, là, c'est comme si... Mettre des limites enfin, ouais, deux, quelque quoi. Part. Quelque part, mettre des limites, couper. Aujourd'hui, on appelle ça la haine, mais peut-être que ce n'est pas les bons noms. Mais ouais, des fois, tu as besoin de te... Comment dire? De congluer avec quelqu'un, d'être avec. Et des moments, tu as besoin de te séparer. C'est vrai. Là, comme c'est vrai on... Ouais. C'est vrai qu'en réalité, moi je trouve que c'est très joli en fait, justement la haine et l'amour c'est lié donc c'est lié bon, bah après donc, moi je dis que c'est lié parce que j'ai pas d'entre deux, c'est à dire que j'agis soit dans le mal soit dans le bien, je fais soit du bien soit du mal, j'arrive pas à faire le enfin je trouve que c'est faut faire l'équilibre, faire du bien et du mal ouais, mais pas trop de mal non plus, pas trop bien non plus. Il y a un philosophe qui s'appelle Nietzsche qui a écrit un texte qui s'appelle Au-delà du bien et du mal. C'est-à-dire qu'à un moment donné, où tu fais un objet, comme un morceau, qui n'est ni bien ni mal, sinon que ça va au-delà du bien et du mal. Parce que c'est un objet en soi qui contient les deux, okay. Et qui s'extrait de cette polarité duelle. Ouais, cette dualité, j'adore cette dualité entre les deux, l'amour et la haine. Ouais. Surtout, j'aime bien en fait, exprimer dans les sons que je fais, il y a toujours un rapport avec l'amour et la copine, quelque chose en fait. Mais je pense c'est parce que c'est, comment dire, c'est un peu la provoque aussi, peut-être. Et vu que c'est quelque chose de très sensible en général, les copines, les copains, et tout tralala. En parler comme ça, c'est très gore. Mais moi, dans mon état secondaire, ça me fait câbler. Donc ça me fait rire aussi de faire ça. Bah, c'est super ce que tu fais. Hein. Ça défoule. Ouais, super. Donc en plus, si tu fais deux morceaux de musique par jour, voilà, tu peux venir montrer ton travail ici. On aime beaucoup. Merci beaucoup. Et voilà, nouveau arrivant à la radio. Je vais changer, je vais pas mettre le rap. Ouais. Tu peux dire comment t'appelles ou tu peux inventer un nom après. Moi c'est Abdel. Abdel. Abdel. Voilà, bienvenue à Radio Metanoia. Tu voulais nous. Tu as une super casquette de la NASA là. C'est pas Ignaltinho qui te l'a prêté pour les voyages astral. Et voilà. Puis qu'est-ce que tu voulais nous présenter? Une chanson de Dalida. Une chanson de Dalida. Ouais, et tu. Je passe du rap à. Oui, ici on passe du rap au système solaire, on passe de tout, hein. Ici Metanoia c'est large spectre. Allez, voilà, c'est vas-y. Parti. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots, oui c'est trop beau, mais c'est fini, le temps des rêves, les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie. Caramel, bonbons et chocolat, mais c'est pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre. J'oublie les paroles. Ah, mais c'est pas grave, continue, tu peux improviser. Chocolat, mais c'est pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les parfums des autres. Moi, mais j'entendre ta voix, ta main sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Paroles, paroles, paroles, paroles, paroles, paroles, paroles, paroles, paroles, paroles, paroles, paroles, que tu sèmes au vent. Super, bravo, bravo, ouais, c'est génial, ouais, bien, bien chanté. Waouh, excellent, ouais, tu voulais, en plus ça dit parole, parole, parole. Alors, c'est qui le tour, Fauvalatin, un rédacteur musical. Fanata. Attends, tu peux dire ton nom, je sais pas pourquoi je l'oublie à chaque fois, mais avec ton beau sourire, Fofana, je l'ai fixé. Fofana Ma Fatoumata. Fatoumata, comme tous les mercredis sur Metanoia, elle nous joue le xylophone, double xylophone. Tu peux jouer l'autre si tu n'as pas essayé encore. Ça sent bien celui-là, hein. Ça sent plus grave. Tu peux jouer les deux. Hein. Tu tournes un peu le micro après, tu vois, comme ça, tu peux essayer les deux. Hein. C'est joli ce que tu fais là. Merci de venir chaque mercredi à éclaircir avec ton sourire et ta musique nos sciences métanoïaques. Et là, on a de retour notre Didi qui a un look d'enfer là. Il faut que tu me dises après gros, toute ta vie parce que tu as un style, gars, incroyable. Ah ouais. Oui, avec tes lunettes, ta casquette. Ta doudou, là, même la barbe, tout est, on dirait Prince avant de sortir un concert. Là. Génial. Merci, merci. Non, c'est vrai. Voilà, vas-y, qu'est-ce que tu vas nous présenter? Je vais faire en a cappella, hein, parce que l'instru, on ne peut pas la mettre. Je vais la faire comme ça. A cappella, c'est bien. Je suis choisi de base, j'ai pas la poisse. Montre-moi ton compte, OnlyFans, te casse après, tu me fasses des faces. J'ai jobé pour toi, j'ai pas le time. Tu seras peut-être la première dame, bouge ton gros boule, moi je suis fan. Hey, la go fait tout le boulot pour s'embellir. Laisse croquer t'es un, je suis pas un mec timide. Ton regard intense dans mon corps c'est terrible. Je viens chercher chez toi devant gros bolide. Bébé au lit, moi je suis mal poli. T'es ma drogue mais t'es pas ma raison de vivre. Soirée indienne le soir sous chippy. Soirée intense puis ça devient torride. Faut assumer. Même le cœur en ciment, partir sans toi c'est mort. Si les autres parlent de nous c'est mort. Faut assumer, même le cœur en ciment, partir sans toi c'est mort. Si les autres parlent de nous c'est mort. Si les autres parlent de nous, de moi j'y crois. Ouais voilà. Ah ouais ouais ouais. Comment tu fais pour improviser? Tu as une super voix en plus. Hein. Merci, merci. Qu'est-ce que vous pensez les autres? Prends le micro, entendre ta voix. Qu'est-ce que tu en penses, Fatou, Fofana, Fatoumata? Il chante bien. Il chante bien? Oui. Merci. C'est bien. Et qu'est-ce que tu en penses, toi Jason. Comment tu t'appelles, Jason?

perdu face au mystère de l'amour. C'est comme ça mon bébé. On s'aimait, on s'est déchiré, on s'est séparé plusieurs fois. Là c'est fini pour de vrais bébés. Un jour peut-être. Un jour peut-être. Un jour peut-être. Un jour peut-être mon bébé. Vovana fatu mata, eh. Vovana fatu mata, eh. Vovana fatu mata, ah. Rakada vovana fatu mata, vovana fatu mata, eh. Vovana fatu mata, eh. Vovana fatu mata, eh. Maliba, maliba, eh. Maliba, eh. Eh sonike, eh. Maliba, eh. Eh maliba, eh. Vovana fatu mata, eh. Vovana fatu mata, eh. Maliba, maliba, maliba, maliba. Vovana fatu mata. Fofana fatu mata, fofana fatu mata, maliba maliba maliba maliba fofana fatu mata, ra, fatu mata, fatu mata, fofana fatu mata, fatu mata, fofana fofana fatu mata, ale kupete kale rakumote, kupete kale rakumote, ale kupete kale rakumote, kupete kale rakumote, ale dekale, ale kupete, ale dekale, ale kupete ra. Rakata, kachu, kachu, a petit boy, kachu, kachu, logo bijete, logo bijete, logo bijete, rakumote, rakumote, rakumote, rakata, kachu, kachu, rakata, kachu, kachu, rakata, kachu, kachu, rakata, kachu, kachu. Jason va nous faire un freestyle. Jason va nous faire un freestyle. Jason va nous faire un freestyle. Jason va nous faire un freestyle. Jason va nous faire un freestyle. Jason va nous faire un freestyle. Un freestyle. Jason va nous faire un freestyle. Jason va nous faire un freestyle. Ouais, c'est Gigi. Allez, là, Gigi. Jason va nous faire rap. Jason va nous faire rap. Rap, rap. Fofana fatu mata, eh. Fofana fatu mata, eh. Fofana fofana fofana fofana fofana fatu mata. Maliba maliba maliba maliba fofana fatu mata. Fofana fatu mata, fofana fatu mata, eh. Fofana fofana fofana fofana fofana fatu mata, eh. Fofana fatu mata, fofana fatu mata, fofana fofana fofana fatu mata. Là c'est de l'impro. C'est de l'improvisation. Là, je suis super prêt. Je vais gâter le coin. Gâter le coin, gâter le coin. Gâter le coin, gâter le coin. Gâter le coin, gâter le coin. Gâter le coin. Ah, petit boy. Ra. Ok. Ah. Jonathan. Jonathan. Malelo. Ah, monsieur. Malelo, I'm Siki Malelo, I'm Siki Malelo, Jonathan, hey, Jonathan Malelo, I'm Siki Malelo, I'm Siki Malelo, I'm Siki. Iya, arafatu wewe, iya, amaluku luku chiche, iya, yara selaga fede. On a pleuré pour Jonathan. Oh, yeah, Jonathan, oh. Allez, vas-y. Jonathan, oh. Rap. Ok. Fofana fatu mata. Fofana fatu mata. Fofana fofana fofana fofana fofana fatu mata. Encore. Maliba fatu mata. Encore. Fofana fatu mata. Fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fofana fof allez brûler feu, Radio Métanoïa. Merci Didi pour cette impro, merci Jason, merci Fofanata, merci Elisabeth, merci ton prince. Hein? Abdel, merci Siol, merci tout le monde, Merli, Isabelle, merci tout le monde, merci le Métanoïac, à la semaine. Métanoïac.